Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette date absolument pas habituelle du lundi matin. Et j'ai avec moi Monsieur Antoine Pronot, ici présent. Salut. Donc à la fois auteur de jeu et transludis, donc traducteur. Et je propose qu'il vous parle un petit peu de qui il est lui-même, parce qu'il fera ça mieux que moi. Voilà, et j'espère que le chat, tout va bien de votre côté. Ok, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, pour me présenter rapidement, hein, ce lundi matin, donc moi, c'est Antoine Pronot. Je suis plus connu sous ma casquette de traducteur de jeux de société sous le nom Transludis qu'auteur, en tout cas pour l'instant. Et alors, moi, mon parcours de traducteur est très classique. J'ai fait des études de traduction après un bac littéraire, avec des voyages séjours à l'étranger. Et puis, au bout de 5 ans, à la fin de mes études, j'ai passé mon master. J'ai alors eu la chance de faire un stage de fin d'études chez Days of Wonder. Ok. Où je suis resté 8 ans là-bas. Après, au moment du rachat par Asmodée, je suis parti. J'ai fait une année de transition à ce moment-là chez Funforge, où je les avais prévenus que je commençais à lancer un peu mon affaire en auto-entrepreneur aussi de traducteur. Et donc ça, c'était 2017, et en 2017, j'ai lancé Transludis en 2017. Okay. De là, ça a commencé doucement, et puis au fil des années, j'ai un peu fait grossir le carnet d'adresses. Et maintenant, autant au début, j'ai fait un peu du jeu vidéo et de la littérature fantasy. Et maintenant, c'est vraiment maintenant, j'en fais, ouais, maintenant, j'en fais plus du tout. Je fais plus que du jeu de société, quoi. Ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Transludis, actuellement, c'est les trades, notamment de quasiment tous les Super Meeple. Ouais. Si je ne m'abuse. Donc, Ark Nova, c'est lui le coupable. Ouais, exactement. Voilà. S'il y a un problème avec les poules, vous savez. Les poules. C'est poules de l'enfer. Et du coup, maintenant, depuis peu, vu que tu as sorti ton premier jeu chez Funforge qui s'appelle Rune Master, tu es aussi auteur. Exactement. Alors, je l'ai là, d'ailleurs, à côté de moi. Attends, normalement, j'ai fait mon travail et tout, et je peux faire ça. Regarde. Ah, parfait. Hey. Si ça, c'est pas le luxe. Touk. Donc, Rune Master, qu'est-ce que c'est? Raconte-nous. Alors, Rune Master, donc, c'est un tower defense classique. Donc, on va jouer en coop de 1 à 4 joueurs. Et le principe, c'est que chacun incarne un gardien du temple avec des monstres qui arrivent sous la forme d'un paquet de cartes des 4 côtés du temple. Voilà, on voit bien ici sur ton visuel. Il y a les gardiens au milieu. Là, on voit qu'il en reste que 2. Les autres sont peut-être morts. Et les monstres arrivent sur les 4 lignes colorées. Et en gros, on va à chaque tour révéler une nouvelle carte de monstre qui va se placer sur un chemin. Et la faire progresser petit à petit vers le centre, sachant que pendant ce temps-là, les gardiens, eux, vont lancer des dés. Et en fait, ça va être de la gestion de dés, c'est-à-dire que normalement, il y a toujours quelque chose à faire avec ces dés. C'est-à-dire que ce n'est pas du hasard complet, c'est-à-dire que tu es un peu soumis au tirage des dés. Mais la vraie manière d'y jouer, c'est ça que j'enseigne aux gens sur les démos, c'est plutôt qu'est-ce que je fais avec les dés que j'ai obtenus, plutôt qu'il me faut absolument ce dé-là. Pour faire ce que j'avais envie de faire. En fait, c'est plutôt je m'adapte au dé que forcer les dés à s'adapter à ta stratégie. Ok. Donc, il y a des tas de monstres différents avec des pouvoirs spéciaux. Les gardiens ont évidemment des pouvoirs spéciaux, eux aussi. Il y a une bonne rejouabilité dans le sens où, en fait, à chaque partie, tu ne vas pas forcément jouer avec le même set de monstres, vu que tu en enlèves une partie. Et puis, en termes de niveau de jeu, on est sur, moi, j'ai tendance à dire familial plus. C'est pas du gros jeu gamer, même si, comme les niveaux de difficulté les plus élevés demandent une vraie coopération, une vraie bonne lecture du jeu et l'utilisation de tous les outils à disposition. Ouais. Je crois que la note BGG, en termes de difficulté, c'est 1.5. Ouais, donc voilà. Donc, voilà. Ouais, effectivement, ça peut c'est permettre plutôt de situer léger. Un petit peu. L'objectif de ce jeu-là, c'est vraiment faut que ce soit accessible, c'est-à-dire que c'est du coop assez classique finalement. J'avais lu que Pénélope y avait joué, avait trouvé ça sans plus, mais je pense qu'elle, elle cherchait vraiment plus du jeu expert, alors que moi, vraiment, la cible de ce jeu-là, c'est plutôt familial plus. Ok. En parlant un petit peu de... Pardon, même si on profitait entre experts, mais il faut prendre les niveaux de difficulté les plus élevés. Ok. Du coup, le jeu est chez Funforge. Tout à fait, ouais. C'est comment de travailler avec eux? En fait, moi, c'était plus facile parce que quand j'étais parti en laissant mon prototype, en fait. Okay. C'est-à-dire que je les avais fait, comme j'y ai travaillé, j'avais eu l'occasion d'y jouer avec eux. Ils m'avaient dit, OK, bah, ça nous intéresse, on va le signer. Et donc, on l'avait signé relativement vite. Par contre, après, ce qui a été long, c'est la mise sur le marché. Parce que, en fait, bah, comme c'est une petite équipe et qui gérait beaucoup de projets à cette époque-là, c'était difficile de gérer ce projet-là en plus des autres. Ce qui fait qu'il a été beaucoup repoussé. Bon, ça rend juste philosophe. Hein. Au bout d'un moment, moi, je me disais, bah, de toute façon, il finira par sortir. Maintenant, il signait. Je ne vais pas les rappeler tous les 4 matins en disant, bon, alors, mon jeu, quand est-ce que vous le sortez? Ah, c'est sûr que ça apprend la patience. Ah, ça? Bah, oui, bien sûr. Là, là, c'est-à-dire que nous, on a un truc qui est signé chez Swap depuis 2021 Ouais, et qui sort bah, peut-être l'année. Tu ça fait que 3 ans. vois? Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es là, genre. Tu sais, c'est. Tiens, tu as le bonjour de Pierrot la Lune sur le chat. Ah, salut Pierrot. C'est pas un Donc. parachutiste. Ah bah voilà, parce que oui, effectivement, tu es fan de sensations fortes. Ouais, voilà, exactement. Absolument, si on suit ton compte perso, on voit des gens qui font des trucs genre dans l'espace beaucoup trop suspects. Gardez les pieds au sol, par pitié, tout, c'est beaucoup plus Ouais, sécurité. on fait notre. Donc voilà, donc ça, est-ce que tu as d'autres protos en cours? Est-ce que tu as d'autres jeux comme ça un petit peu sur le qui taffent? Raconte-nous tout. Alors, j'ai d'autres prototypes. Ouais. J'en ai un qui est signé chez Nostromo Édition avec François Bachelard, qui s'appelle Offworld Empires. Donc, ça, c'est pour le coup, c'est plutôt un jeu expert. C'est un gros 4X de l'espace. J'ai passé beaucoup de temps à travailler dessus avec des amis. On a beaucoup testé. On a fait des sessions de Tabletop Simulator jusqu'à pas d'heure. Et j'étais très content de pouvoir le proposer à François et qu'il le signe. Donc ça, lui, il m'a dit que ça sortirait. Normalement, c'est prévu 2025. Donc, parce que je sais que François, il a cette philosophie, lui, de quand il signe, ça sort assez rapidement derrière. Petite question du coup importante, est-ce que le fait d'être connu dans le milieu pro grâce à Transudis te facilite un petit peu la vie pour les éditeurs, pour signer des jeux? Est-ce que ça aide? Oui, enfin, je pense que ça aide parce que on te connaît déjà. Donc c'est pas comme si tu sortais de nulle part et que tu allais sur un stand ou que tu envoyais un email sur contact@editeur.com. Éditeur.com. On te connaît. Donc, éventuellement, et bah, comme on disait hein, tout à l'heure en off, les gens à qui tu dois montrer le prototype, tu sais qu'ils vont probablement le voir. Ça va pas se perdre. C'est ça, Donc, en fait, pour ça, ça, c'est. ça donne un avantage là-dessus. Après, ça fait pas tout. Si ton jeu il n'est pas abouti, surtout aujourd'hui où on est quand même sur un milieu très concurrentiel, c'est pas parce que tu es connu qu'on va prendre ton prototype plutôt qu'un autre, quoi. Non, mais par contre, effectivement, ça simplifie vraiment la vie pour le premier rendez-vous. Clairement. Moi, Voilà, c'est déjà, ce que dit Pierrot dans le chat, voilà. effectivement. Moi, déjà, je le vois avec la chaîne et il faudra bosser en boutique et tu connais les gens. Mes rendez-vous, je les prends souvent un peu à l'arrache par Messenger. Genre, vas-y, on se prend une bière. Je te montre ça et puis ça passerait jamais si jamais c'était pas le cas, tu vois. Donc Sachant que pour Offworld en particulier, c'était un peu parce que je l'avais montré à l'Alchimie de Toulouse et il y avait François Bachelard qui était à une table à côté qui était venu voir. Il m'a dit, OK. ah, ça peut m'intéresser. Et puis sur le coup, en fait, il n'y était pas revenu tout de suite. Mais quand je lui ai remontré plus tard et qu'il a vu qu'il y avait plus d'interactions, notamment que ce qu'il pensait, là, il s'est dit, OK, ça m'intéresse, on va le faire. OK. Et donc voilà, on a celui-là qui est dans les tuyaux. Après, moi, j'en ai d'autres que je montre un peu à gauche, à droite. J'ai un prototype de deck building dans un univers de Seconde Guerre mondiale. Yep. Que j'ai Donc ça, joué c'est d'ailleurs, exclusif il y a longtemps. que tu as joué, oui, exclusivement 2 joueurs. J'ai un prototype plutôt familial où tu fais des paris sur des courses de corgis. Ça, je l'avais montré à Toulouse, à la chimie de Toulouse l'année dernière. Cette année, pardon, cette année. Et j'en ai un autre très très récent de enfin, pose de domino, pose de tuiles, pose de domino. Alors, ce n'est pas des dominos avec des chiffres, c'est un peu plus élaboré, mais voilà, ça c'est plutôt Est-ce qu'il y a des familial paysages et aussi. des couronnes? C'est non. Si oui, ça existe, hein. Je veux pas te. Oui, j'ai entendu parler d'un petit auteur qui aurait fait ça, C'est ça. En plus, il effectivement. refaut une nouvelle version, là. Oui, c'est Donc, vrai, j'ai vu pour. ça. Ouais. Très bien. D'ailleurs, quand tu bosses seul, tu bosses à plusieurs. Comment tu travailles? Est-ce que tu pars de la mécanique? Est-ce que tu pars de l'idée? Un petit peu Alors, plus. moi, c'est très souvent l'idée. Il se trouve que pour Rune Masters, le thème de départ, c'était un thème militaire. C'était sur un film qui s'appelle en français Du sang et des larmes. En anglais, il s'appelle Lone Survivor, okay. Qui trahit un petit peu ce qui va se passer. Et ça parlait de, je ne sais pas si tu l'as vu ou si dans le chat, les gens l'ont vu, c'est quatre Navy SEALs déployés en Afghanistan qui se font tomber dessus par la moitié des talibans de la montagne. Mmh. Et donc, le thème de base, c'était ça. Le thème de Rune Master, c'était ça. Et après, avec Funforge, je pense qu'ils ont eu raison là-dessus. Ils ont dit, ouais, bon, les militaires, c'est bien gentil, mais on va plutôt mettre des créatures fantastiques et puis des guerriers mages, gardiens, tout ça. Et je pense qu'effectivement, ça parle plus à notamment un public familial. Si jamais, pour toute future question, ma culture cinématographique est proche du zéro absolu, voilà, sachez-le. D'accord. J'ai dû voir dans ma vie 4 films et c'était que de l'animation. Donc vraiment, D'accord. Me parlez pas de cinéma. Genre, j'ai pas vu Star Wars, je ne sais pas ce que c'est, ça m'intéresse. Voilà, rien à foutre. D'accord. Voilà, je dis ça pour vous. Non, mais pour répondre à ta question, ouais, c'est plus souvent le thème qui me parle en premier. Okay. Et après, je fais une mécanique autour. Off-World Empire, c'est pareil. Moi, j'avais envie de faire un jeu de civilisation spatiale parce que c'est inspiré du jeu vidéo. C'est vraiment les Endless Space, Stellaris, Master of Orion, tout ça, c'est vraiment... Et civilisation aussi, même si civilisation, c'est plus générique. C'est moins dans l'espace. C'est ça qui m'a inspiré pour faire ce jeu-là. Ok, bah ça, c'est plutôt cool. Et donc, du coup, tu bosses en solo, toi, c'est ça? Ouais, moi, je bosse pour l'instant. En tout cas, j'ai pas de projet partagé avec quelqu'un d'autre. Je travaille déjà dans mon métier, je travaille seul et donc souvent je développe seul aussi quoi. D'accord. Alors, petite question de Dice qui te demande si t'as pas un jeu sur la thématique du parachute dans les tuyaux. Salut Dice, pour l'instant non, j'ai réfléchi un petit peu, j'en avais fait un pour mon club mais qui était très très ciblé sur des parachutistes. Je ne sais pas si ça marcherait auprès du grand public, mais bon, pourquoi pas. Disons que l'idée n'est pas abandonnée, quoi. Voilà. On a, tiens, petite question de Dice toujours. Si jamais tu devais faire une collab avec un auteur, ce serait qui? Si tu avais le choix là tout de suite. Bruno Catala. Le mec veut vendre des boîtes. Il veut vendre des jeux. Ok. Donc c'est le sieur Bruno Dice pour répondre à ta question. Alors on a plein de questions sur la trad. Bon, je propose qu'on va attaquer un petit peu là-dessus, puis on reviendra un petit peu après sur le... Ouais, ouais, bien sûr. Première question, c'était de Fool, c'est juste que je remette la main dessus. Ah, quel enfer. Là, trouvé. C'est quelle latitude t'as pour travailler, genre une trad qu'on sait mal foutue. Genre, est-ce qu'ils vous laissent pour la VF changer des trucs? Est-ce que t'es obligé de t'empaler sur la trad en sachant que c'est pas... Voilà. Alors, moi, avec Super Meeple notamment, mais de manière générale avec les éditeurs, j'ai à peu près la latitude que je veux. C'est-à-dire, okay. Et en plus, c'est demandé. Et moi, c'est le service que je fournis aussi. C'est-à-dire que si les règles sont mal rédigées, ça fait partie de ma philosophie de traduction que de les reformuler avec l'accord de l'éditeur. Hein, parce que des fois, c'est extrêmement mal écrit. Moi, un exemple que je prends très souvent... c'est Nemesis, qui est un des premiers gros jeux que j'ai traduit. Les règles en anglais dans Nemesis sont très mal formulées. Elles sont dans le mauvais sens. J'ai pas réussi à tout sauver parce que c'est encore compliqué, je trouve, de naviguer dans ce livret de règles-là. Mais j'ai quand même réussi à reformuler des... Pour l'anecdote, hein, j'avais moi-même pris l'initiative d'ouvrir une FAQ entre tous les traducteurs, donc l'allemand, le mandarin, tout le monde, quoi. Et à la fin, elle faisait 30 pages sur le jeu de base. C'est trop. Il y avait 30 pages de règles mal formulées que au moins un traducteur avait dit bah, « Cette question-là, comment vous comprenez cette règle ?» et tout. Et on a réussi comme ça à vraiment à synchro tout le projet et à produire, je pense, quelque chose d'assez réussi. Ok. Donc en général, ouais, on traduit. De toute façon, la philosophie de traduction, c'est tu dois produire un texte compréhensible par le lecteur, par la cible, le lecteur français en l'occurrence, enfin francophone. Donc, si c'est mal écrit en anglais, ton boulot, c'est pas de mal l'écrire en français. Il faut que ce soit, même si tu pars d'un truc difficile, il faut que tu le transformes en quelque chose de compréhensible. Ok. Petite question de Raph maintenant qui te demande quelle langue tu traduis à part l'anglais ? L'allemand, mais on m'en a pas demandé beaucoup. Je l'ai fait notamment pour Schmidt, Lille. Ok. J'ai travaillé avec eux sur des petits projets, mais sinon 90% des traductions c'est de l'anglais. Ok. Petite question de Rock and Roll. On va enchaîner les questions, hein, c'est le moment. Combien de temps on te donne pour faire une trad en général ? Je pense que ça dépend du projet, mais. Alors en général c'est moi qui donne le temps, c'est pas l'inverse. Ok. Et moi je traduis 2500 à 3000 mots par jour. Des fois, je peux faire plus, ça dépend des journées, mais en moyenne, c'est ça. Okay. Donc, je prends une règle comme Ark Nova, par exemple. Voilà. Ark Nova, il y a 22 000 mots de mémoire. Je n'ai pas mon papier, mais je crois que c'est ça. On autorise 10% d'erreur, c'est OK. Tu as le droit de... Voilà, donc ça va être peut-être une... Après, il y a aussi la... Je pense que j'avais mis 15 jours, 3 semaines, parce qu'il y avait la recherche des termes aussi. Et puis après, il y a la relecture et tout. En tout, je pense, tout mis bout à bout, Ark Nova, ça devait être un mois de travail. Mais okay. Voilà. Voidfall, il y avait 60 000 mots. Mais Voidfall, on était aussi plusieurs en relecture, notamment. Donc, ça a pris... Bon, ça, c'est des gros projets où on divise, on fait une équipe de traduction pour... Okay. Pour tenir les délais. Ok, puis question numéro, c'est est-ce que tu peux jouer au jeu pendant la trad ? Genre pour alors, adapter un petit peu ta traduction et savoir un peu mieux de quoi tu parles éventuellement. Ouais, alors quand c'est possible, c'est-à-dire que ben, Voidfall, par exemple, j'ai fait 2 sessions de 3 heures de Tabletop Simulator avec Mind Clash parce que c'est quand même un jeu assez complexe, pour voir un peu sentir le jeu, voir ok bah ça marche comme ça, ça marche comme ça, ce qui m'a permis de traduire plus justement. Ok. Après c'est pas toujours possible, notamment pour les sorties simultanées, c'est-à-dire un jeu qui sort en même temps dans toutes les langues. Ben en général il y a un seul prototype ou plusieurs, mais en tout cas moi je l'ai pas, c'est l'éditeur qui l'a. il finit pas chez toi du tout. Il y a pas toujours un module tabletop, donc des fois on est un peu obligé de se débrouiller avec. Avec ce que j'ai en PDF et le matériel okay. de jeu, voilà. Ça marche. Petite question de foule, effectivement, qui te demande si tu as déjà eu des problèmes de compression de texte parce que le français prend plus de place genre sur la maquette que l'anglais. Est-ce que des fois, tu n'as pas le choix et tu vois ? Et bah, ça fait partie du métier, hein, mais oui, effectivement, okay. ça arrive. Hein. C'est marrant parce que j'en parlais hier sur Facebook, sur Endeavor Eau Profonde. Il y a une carte, une tuile. En anglais, ça s'appelle Oil Rig. D'accord, okay. C'est 7 caractères. Oil rig. En français, c'est plateforme pétrolière. Et là, ça, tu ne peux pas trop le compresser. C'est 22 caractères. Donc, ça, c'est un exemple où si l'éditeur original n'a pas prévu à cette place, bah, tu vas devoir soit écrire petit. Les cartes de 100 corées, pour ça, d'ailleurs, vont être très compliquées parce que les cartes de 100 corées, les cartes objectives. Il y a beaucoup de texte. Il ne faut pas jouer avec. Mais c'est écrit petit. C'est vraiment écrit petit. Après, le boulot du traducteur, normalement, c'est de réussir à synthétiser en français. Le français, c'est plus long que l'anglais, mais ouais, peut-être tu vas enlever quelques mots. Alors après, l'anglais, des fois, il va faire des répétitions. Ouais. Il va reprécéder des trucs qui ne sont pas forcément utiles. Par exemple, ils vont te dire « prenez une carte et choisissez machin bah, ». Tu peux directement dire « choisissez une carte » ou des choses comme ça. Enfin, tu peux trouver des petits artifices. D'ailleurs, si on pouvait arrêter définitivement le « choisissez au hasard », par pitié. Oui, voilà, par exemple. Parce que ça, c'est non. Hein, on ne choisit pas au hasard. Ça ne marche pas. Tu choisis. Donc, dernière question qui était plutôt cool, et effectivement, on va y venir, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même pas mal de trades qui sont faites un peu de manière clown fiesta par des bénévoles ou des volontaires qui sont rémunérés en boîte, notamment actuellement le cas de Karmagem pour Kickstarter avec Clan of Caledonia, notamment. Donc la question c'est, pourquoi est-ce que ça fait ça ? Est-ce qu'un traducteur c'est si cher que ça ? Parce qu'en vrai, on le voit bien, quand un jeu est mal traduit, souvent tu te prends les foudres. Mmh. Donc est-ce que ton économie de 2000 balles, au final elle est vraiment intéressante ou pas ? Je sais pas. Toi, ton point de vue, évidemment, est biaisé parce que c'est ton travail. Mais oui. T'en penses quoi ? Moi, ma position n'a pas changé là-dessus. Hein. J'ai toujours dit... en fait, c'est un métier. Donc, oui. Le problème de faire ça par des bénévoles, tout passionnés qu'ils soient, c'est qu'en fait, ça néglige le fait que c'est un métier. Parce que, par exemple, on voit pas d'éditeur qui va demander d'illustrer sa boîte, faire son illustration de couverture. Tiens, ouais. Je fais un concours de bénévoles pour faire mon illustration de couverture. Parce que je pense que illustrateur, c'est vraiment identifié comme un métier. Alors que traducteur, je pense qu'on pense qu'à partir du moment où tu es bilingue, tu es traducteur. Or, c'est faux. Hein. Le traducteur, c'est un métier. C'est-à-dire que ça demande d'être bilingue, c'est la base, c'est sûr. Mais il faut aussi une excellente maîtrise de la langue française. Il faut avoir le sens de la formulation, de la rédaction. il faut avoir certaines compétences. Après, il y a des bénévoles joueurs qui travaillent bien. C'est, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a des, moi, j'ai déjà lu des traductions bénévoles, bah, après tout, qui n'étaient pas mauvaises. Mais ces gens-là, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils créent de la valeur. Ils ont de la valeur. Et quand Karma Games, pour ne citer que, dit... Alors, attends, rapidement, je fais la partie pour qu'on passe une info. Donc, Karma Games, c'est ceux qui font Clan of Caledonia. Ils sortent leur extension sur Kickstarter de fin du mois prochain, je crois. Et ils ont fait un appel à bénévoles pour traduire le jeu. Enfin, pardon, au début, ils font un appel à traducteurs pour l'extension. Et quand tu cliques sur leur lien pour aller voir combien c'est payé, machin, ils t'expliquent qu'ils t'offrent l'extension. Ouais, je vais aller voir. Hein. Mais que tu payes quand même des frais de port parce qu'il ne faut pas déconner. Ouais, ouais, mais c'est scandaleux en fait. C'est honteux. Ça, c'est honteux. Et donc, et moi, j'ai calculé, hein, je crois que l'extension, elle faisait dans les. Peut-être. Je ne sais plus combien c'était. Mais enfin, en tout, ça revenait à 1000, peut-être 1000 dollars maximum, enfin 1000 euros, oui, donc, 1000 dollars maximum. Normalement, c'est plus ou moins accessible. Euros, donc, pour une boîte qui a fait 40 000 euros sur ton premier Kickstarter, là, sur son Clan of Caledonia, je pense qu'ils l'ont, le budget de traduction. Oui. En plus de ça, donc la deuxième chose à prendre en compte, c'est que si tu fais une traduction que tu ne payes pas ou que tu payes en boîte et qu'il y a des erreurs dedans, ça va te coûter beaucoup plus cher en perte de réputation. Ça va te coûter donc des ventes VF après. Puisqu'au bout d'un moment, à la troisième, quatrième, cinquième boîte pleine de fautes, les gens ils vont arrêter d'acheter chez toi en VF, ils vont prendre en VO. Et ça va te coûter cher aussi en errata, en autocollant à envoyer à gauche, à droite. Ce qui coûte très cher, par exemple, c'est des cartes à réimprimer. Oui, en microprod, quoi. Avec Super Meeple, on est parano là-dessus parce que Charles Amir, il a raison hein, d'être très vigilant sur les cartes. Parce qu'une carte où il y a une erreur, ça te coûte très cher d'aller rattraper derrière, quoi. Voilà, petite notif de Pierrot que je trouve effectivement assez vrai. Alors, effectivement, les boîtes qui proposent les trades bénévoles, c'est un souci. Mais est-ce que les bénévoles aussi, quelque part, sont pas un problème? Moi, je le vois notamment avec l'animation. Quand tu as des mecs qui animent bénévolement, toi, tu es là, genre, bah, moi, non. Moi, c'est mon travail, entre autres, donc non. Et est-ce que ces mecs-là vont pas créer un petit peu de soucis côté business, tu vois, genre, Bien sûr. Voilà, enfin, il y a ça aussi, tu vois. Bah parce que c'est des entrants dans le circuit, mais ça concerne plein d'autres domaines aussi. Hein. C'est toujours le même problème du plombier polonais, comme on disait. C'est-à-dire que tu vas fournir un travail qui, normalement, est valorisé à hauteur de temps. Et toi, tu vas le fournir gratos ou donc tu fonces un peu le circuit. Forcément. Et après, si les éditeurs, ils veulent vraiment... Super Meeple, par exemple, je sais qu'ils ne tergiversent pas là-dessus. Eux, ils veulent que ça soit traduit professionnellement. Mais du coup, je pense qu'ils ont réussi au fil des années à construire une réputation d'excellence. C'est-à-dire qu'ils ont réussi quand même ça arrive de faire des coquilles, mais c'est pas non plus leur... Oui, leur marque de fabrique. On ne sait pas, le jeu sera mal traduit et tout. Et à l'inverse, il y a d'autres éditeurs qui ont détruit cette réputation parce qu'ils n'ont pas fait appel à des professionnels ou ils se reposent trop sur les bénévoles. Et les bénévoles, je le comprends. Hein. Moi aussi, j'ai été bénévole au début en me disant « Ah, ça me fait plaisir, je vais recevoir une boîte et tout ». Et puis on a le sentiment d'être utile. Mais en vrai, tu c'est fais ce un que tu aimes bien faire en plus. Ben oui, ça te fait plaisir. Mais justement, si ça te fait plaisir, bah, peut-être essaye d'en faire un métier. Sinon, ça peut. Alors, ce n'est pas forcément facile. Hein, mais c'est. En fait, à partir du moment où ton travail a de la valeur, il doit être rémunéré. Moi, c'est ce que j'ai dit au boss de Karma Games. Hein, parce qu'il n'y avait pas que la traduction, il y avait aussi la maquette. Hein. Il demandait potentiellement un traducteur qui maîtrise InDesign. Donc, ça veut dire qu'il voulait lui faire faire aussi la maquette. Est-ce qu'il ne veut pas faire un CM avec pour pouvoir, sur les réseaux, à ce niveau-là, tu pousses, tu vois. C'est un métier aussi, quoi. Ok, petite question de Floref. Alors, longue question. Attention, hop là, je te la fous en highlight. C'est évidemment la question de l'IA. Voilà. Ouais, très bonne question. On y vient forcément. Qu'en est-il ? On sait qu'on parle un peu de DeepL. Ouais. Pour la trad. Je vois que dans c'est nommément le dernier Lacerda dans sa question. Et effectivement. Est-ce que toi, l'IA te fait peur pour ton taf à ce niveau-là? Comment tu gères le truc? Est-ce que tu t'en sers parfois pour gagner un peu de temps? Voilà, parle-nous un petit peu de tout ça. Alors, donc moi, je me sers jamais de l'IA pour commencer, parce que ça fait pas gagner de temps, ça fait perdre du temps en fait. Ça c'est vraiment le premier truc à comprendre. C'est-à-dire que l'IA va te sortir un texte qui a l'air d'être correct, mais si tu veux vraiment prendre le temps de le reprendre et de le traduire correctement, en fait, tu dois tout réécrire. Maintenant, ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo, moi, j'ai pas mal de collègues traducteurs, traductrices qui perdent du travail parce qu'on leur demande de plus en plus de faire ce qu'on appelle la post-édition. J'en ai parlé dans un article de blog récemment. La post-édition, c'est en fait, tu vas relire ce que fait l'IA et corriger pour que ça soit plus correct, en fait. Soit plus grammaticalement correct. Tu vas reprendre ses fautes. Et le reste, tu y touches pas. Sauf qu'en fait, comme c'est mal payé, ce qui se passe, c'est que les relecteurs, ils vont très vite. Ils disent, bah, j'ai pas de temps à perdre. En plus, moi, je suis traducteur, je suis pas relecteur, c'est pas mon boulot. Donc, passer derrière une IA, merci, mais je le fais vite fait, quoi. C'est payé deux fois moins cher, hein, à peu près. C'est payé tarif relecture et la moitié du tarif traduction. OK. Donc, ils essayent de travailler deux fois plus vite. De toute façon, quand tu es indépendant, tu maximises ton temps. Donc, tu travailles deux fois plus vite. Et ils renvoient pas tout ce qu'ils devraient renvoyer. C'est-à-dire que les corrections qu'ils signalent, ils ne signalent pas tout ce qu'ils devraient signaler parce que ça prendrait trop de temps, il faudrait être payé au tarif traduction. Et l'effet pervers que ça a, c'est que l'agence qui reçoit ça derrière, elle va se dire, ah ben c'est bon en fait, il a mis que la moitié du temps pour travailler, donc c'est que finalement l'IA a fait bien le boulot, puisqu'il a corrigé il a super vite. Ouais. C'est qu'il n'y avait pas grand-chose à corriger. Et en fait, ça c'est faux. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA ne peut pas profiter à la richesse du langage, à une bonne traduction. C'est-à-dire qu'elle va te faire le café. Tu passes derrière ou tu passes pas derrière. Moi, les derniers Lacerda, j'ai vu qu'on n'était pas passé suffisamment derrière, en tout cas, parce que j'ai regardé la règle, et notamment la règle solo du dernier Invention Payneuse. La règle solo est très compliquée à lire et manifestement traduite à l'IA. Ça, c'est facile à voir. Okay. Maintenant, le deuxième facteur, et je pense que ça rejoint aussi les problèmes de l'illustration, c'est que ce n'est pas nous, les traducteurs, pas plus que les illustrateurs, qu'elles ont décidé de ce qui se fait à l'avenir. C'est les joueurs et c'est le public. Si le public, il se contente, il se satisfait de ce que produit l'IA, bah, les éditeurs n'ont aucune raison de ne pas s'en servir. Oui, c'est-à-dire que soit ils veulent vendre leur truc, ils disent bah, « Ok, tant que ça se vend, les gens vont critiquer un peu. » C'est ce qui se passe dans le jeu vidéo, hein. Dans le jeu vidéo, même dans le cinéma. Dans le cinéma, on voit qu'il y a des doublages faits par IA, des sous-titrages, pardon, faits par IA. Et bah, ça gueule un peu à la sortie. Il y a quelques traducteurs spécialisés qui vont dire « Ah, c'est scandaleux et tout. » Mais ça passe. Donc, si ça passe, pourquoi ils se gêneraient ? C'est un vrai truc que j'ai avec le monde du jeu à ce niveau-là. Mais pas que, mais je trouve ça assez frappant. Je prends l'exemple de Cranio. Ouais. Tu sais, Cranio, sur leur KS, leurs matos sont toujours un petit peu scandaleux. C'est mal emballé, ça arrive pas bien, machin et tout. Tout le monde dit « Ouais, ok, faut boycotter parce que c'est des connards. » Et pour le coup, je suis d'accord. Les mecs refont le moindre KS derrière, tout le monde y va. Évidemment qu'ils ne vont pas apprendre. Ben oui, bien sûr. En fait, mais là, je pense que sur le Lacerda, c'est pareil. Hein. J'ai l'impression que malgré un prix en plus assez élevé, les gens, ils y vont quand même. Donc, au bout d'un moment, c'est les joueurs qui décident. C'est au public aussi de sanctionner ou pas une attitude. Et, si une majorité ne sanctionne pas, Je trouve que dans le monde du jeu, ça sanctionne vraiment pas beaucoup. En fait, très souvent, déjà, il y a plein de gens qui savent même pas qu'il y a des gens qui bossent derrière les jeux, donc ça, c'est encore un autre problème. On est vraiment encore loin dans le truc. Mais effectivement, si les mecs font n'importe quoi et que ça se vend de la même manière, et tu te dis genre oui, mais ils apprendront pour la suite, et on sait que c'est faux. En fait, s'il n'y a pas de sanctions financières à un moment donné, les gens vont jamais changer. Alors après, malgré tout, je pense que, mettons qu'il va y avoir les plus gros éditeurs, en fait, ceux qui ont le plus besoin de rentabilité, parce qu'il y a des actionnaires derrière et tout, eux, c'est possible qu'ils cherchent à pousser l'utilisation de l'IA. Mais les petits ou ceux qui sont encore amoureux du travail bien fait, et Dieu merci, il y en a encore beaucoup, je pense qu'ils vont continuer de faire appel à des traductions, des traducteurs professionnels. Et moi, je le vois un peu comme un artisanat, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ça va peut-être être plus réduit, c'est-à-dire que on va pour le mainstream, pour les gros éditeurs et tout, ils vont peut-être plus se passer des services de traduction ou faire différemment, j'en sais rien. Mais je pense qu'il restera toujours assez de monde pour tenir à la qualité du fait main, quoi, si tu veux. Ouais, bah, c'est ce que je me dis. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est est-ce qu'effectivement, à terme, on n'aura pas ce côté où les gros distribs et les gros éditeurs vont enchaîner les prods rapides en passant par l'IA, et à l'inverse, tu as ton petit éditeur un peu maison qui va faire son jeu Manu Militari avec des vrais illustrateurs, avec des vrais traducteurs, et ainsi de suite. Ça lui coûtera plus cher, mais après, bah, y a encore des éditeurs qui travaillent pas. Alors, c'est des entreprises, hein, il faut gagner des sous, on est d'accord. Toujours. Mais c'est un curseur. Où est-ce que tu mets le curseur? Est-ce que je veux à tout prix ma rentabilité maximum, ou est-ce que je fais un compromis du coup pour ok, bah, je vais payer un traducteur, je vais payer un illustrateur, mais les gens seront contents, je me construis une bonne image de marque et tout. Bah moi, ça, j'ai une vision qui est assez. Mais depuis que je travaille, c'est ça. C'est je considère que l'argent, c'est la conséquence du travail bien fait et pas le but premier. Ouais, exactement. Mais ça, après, exactement. C'est un mindset qui est comme ça, tu vois. Je considère effectivement que si tu fais ce que tu fais du mieux que tu peux et en y mettant tout ton cœur, et que ça se passe bien, l'argent sera la conséquence. Si ton but premier, c'est de faire du chiffre, j'ai peur qu'effectivement, tu travailles de la mauvaise manière. Tu vois, c'est pas le bon truc. Mais effectivement, est-ce que aussi il n'y a pas un côté où il faudrait forcer l'affichage sur les jeux, tu vois, genre, de manière réglementée, genre, tiens, traduit par IA, illustré par IA, est-ce que ça freinerait pas aussi pas mal les gens, si jamais c'était le cas? Bah, je pense que ça va freiner des gens, mais je pense pas que ça freinera la majorité des gens, malheureusement. Okay. Je peux me tromper là-dessus, hein, mais j'ai l'impression que les gens, il y a beaucoup de personnes, toi tu travailles en boutique, tu sais ce que c'est, qui savent même pas forcément ce qu'est un éditeur, ce qu'est... Donc, il y en a plein qui pensent pas qu'il y a un auteur derrière un jeu, donc tu sais, c'est très compliqué. Écrit ou pas, illustré par IA ou traduit par IA. D'autant que des fois, on ne le sait même pas. Hein. C'est-à-dire que moi, sur les derniers Lacerda, je le vois parce que j'arrive à détecter ces textes-là. Mais si le travail de post-édition, il est fait derrière, tu peux camoufler. Je pense que moi, je le verrai quand même, mais le grand public ne le verra pas. Quoi. C'est pour ça que je parle effectivement d'un affichage obligatoire. Si jamais c'est fait comme ça, il n'y a pas de tromperie, tu vois, pour le client final. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que effectivement, là, dans le chat, ça parle beaucoup de Path of Civilization. Ouais, ça c'était pour les illustrations. Ouais. C'est pour les illustrations. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si le jeu se vendait pas à cause de ça. Et en vrai, je ne pense pas. Parce que les gens s'en foutent. Alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas acheté à cause de ça. Voilà. Moi, je considère que le produit est mauvais parce que tu es sur un jeu initié, voire Familial Plus, qui a tous les codes du jeu expert en termes de taille de boîte, de prix de boîte, machin. Et du coup, c'est un mauvais produit, indépendamment du jeu. Mais effectivement, la plupart des gens qui l'ont acheté n'ont pas la moindre idée. De si c'est fait par IA ou pas, tu vois. C'était assumé aussi pour le coup. Hein. Parce que autant il y a des gens qui s'en cachent. J'avais vu, je ne sais plus quel éditeur, une campagne Kickstarter où les gens avaient détecté l'IA et l'éditeur refusait de le reconnaître ou essayait, de noyer le poisson. Et en fait, ce n'est pas passé. Je crois que c'était Awaken Realms avec Puerto Rico, je crois, qui a une couverture qui était faite par IA, qui a été vue par le public. Voilà, effectivement, donc on a deux petites questions. Il y a effectivement Pierrot qui nous annonce que Asmo interdit l'usage de l'IA dans ses studios. Ouais. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est bien. C'est, et c'est, puis, c'est... je trouve ça bien que ce soit un peu le leader du marché qui l'annonce. Oui, et c'est en termes d'illustration ou en termes de traduction aussi? C'est l'IA de... Pierrot, si tu as la réponse, ça m'intéresse. Est-ce que c'est effectivement que pour les élus ou pour le taf de manière générale? Je te lis avec attention. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça cool que ils prennent les devants à ce niveau-là, tu vois. Je sais qu'il y avait Blizzard. Ouais, tout à fait, c'est tout à leur honneur, effectivement. Dans le jeu vidéo, tu avais Blizzard aussi qui avait fait un petit peu un call là-dessus. De genre, chez nous, il n'y aura pas d'IA, il y aura machin. Pareil pour Game Workshop. Donc voilà, moi, je trouve ça cool. Ouais, c'est très bien que ça se fasse. Donc voilà, ça c'est cool. Et autre chose, effectivement, j'avais vu une question qui était sympa. Effectivement, après, est-ce que si l'IA fait baisser le prix de manière assez drastique, le truc c'est que. Admettons que tu prends un illustrateur, son prix va être lissé par le nombre de boîtes que tu vas vendre. Donc, à la copie, sur des grosses prods, je ne vais pas dire que c'est insignifiant parce que ce n'est pas vrai, mais je ne suis pas sûr que tu gagnes beaucoup d'argent en baissant le prix, en passant par l'IA, tu vois. Tu gagneras du mais temps, peut-être. Surtout, ce n'est pas le cas, en fait. L'IA ne fait jamais baisser le prix. Jamais. Ah, c'est ça. Actuellement, ce n'est pas le cas. Dans le jeu vidéo, par exemple, le seul intérêt d'utilisation de l'IA, c'est pour les agences parce qu'elles peuvent augmenter leur marge et payer moins cher leurs traducteurs puisqu'elles leur font faire de la post-édition. Mais le prix du jeu vidéo, c'est le même à la fin. On ne va pas te dire qu'il est moins cher parce qu'on n'a pas fait travailler un traducteur dessus. Ça, c'est le fond du problème. Et ce serait pareil sur le jeu de société. Jamais tu verras un jeu de société passer de, je ne sais pas moi, en plus ça serait insignifiant, mais il ne passera pas de 50€ à 48€ sous prétexte que tu as fait travailler de l'IA dessus. Il va rester à 50€, c'est juste la marge qui augmente. Bah, parce qu'il n'y a pas de traducteur à payer. De toute façon, on le sait, un jeu aujourd'hui est vendu à son matos. Globalement. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, si effectivement, en fait, le prix n'augmente jamais par rapport au taf fourni, effectivement, il n'y a pas de raison qu'il baisse pour le taf pas fourni. Bah, c'est Croc qui disait ça, et qui disait, imagine le jeu ultime. Vraiment, c'est une excellente expérience de jeu, tu n'as jamais connu ça, et il tient sur une carte à jouer, bah, combien tu le vends ? Parce que tu le vends 50€, les gens ils vont pas lâcher, ils disent bah c'est bon, c'est une carte, je paye pas 50€ une carte, même si c'est des heures et des heures de jeu, tu vois. Moi je sais que souvent en boutique, quand je dis aux gens quand un jeu ils te font ouais il est cher machin ou pas quoi, tu sais, tu leur expliques que dans ce qu'ils payent il y a uniquement le prix du matériel. Tu sais, ils te font souvent genre bah non, pas du tout, vous mentez. Ben non, en fait, ouais. Là tout le travail qui est fait derrière par l'illustrateur, par machin, ça compte pas. Ah ouais, ce que vous achetez, pas dans le prix perçu, ouais, en tout cas c'est ça, ce que vous achetez c'est vraiment la valeur du matériel est ce que vous percevez comme accès. Si demain, effectivement, on en parlait, mais tu fais un jeu incroyable où tu as passé 50 heures dessus à le dev ou pas, et ben le prix est le même. Et ça, à un moment donné, ça va aussi, à un moment donné, je pense, bloquer quelque part. Ouais, ouais. Il va falloir que des gens soient rémunérés à leur juste valeur dans toute la chaîne. Tu sais, je prends le cas de l'auteur, mais l'auteur qui touche 2% sur un jeu en prix de vente finale, bon, on a un problème. L'exemple que je prends, moi qui me fait péter un plomb, c'est que dès que mes jeux vont sortir, notamment là, le premier chez Schmidt bientôt, je suis plus rémunéré si jamais tu achètes le jeu chez Ludum en tant que commission influenceur qu'en tant qu'auteur. Ah oui, t'es d'accord. Bon, je vais me reconvertir comme influenceur. C'est quand même complètement stupide. C'est-à-dire que bah oui, c'est dommage. Ma commission d'influenceur est 4 fois supérieure à mes droits d'auteur. Ah oui, ok. Ça n'a aucun sens. Que ça doit plus rapporter, en fait. Ton rôle d'influenceur sur le jeu. Pour situer globalement, chez Ludum, je suis à 7% de commission en cashback. Mes droits d'auteur, c'est 2% divisé par 3, parce qu'on est 3 dessus, tu vois. Ah oui, ouais, ok. Et tu sais, ouais, c'est ça, en fait. Miro a raison, parce que je suis un bon influenceur, mais un mauvais auteur, sans doute. mais c'est une façon de voir les choses. Bah, c'est bizarre. Oui, clairement, il y a un moment donné où dans la chaîne de valeur, on a fait n'importe quoi. Tu vois ? Complètement, ça je suis d'accord. Comment tu corriges ça, j'en sais rien, tu vois, mais c'est fou de me dire que j'ai intérêt à faire de la promo pour Ludum à Donf, parce que à titre perso c'est plus rentable pour moi en tant qu'auteur. Ça m'ennuie, même si j'aime Ludum, c'est pas le problème, mais voilà. Donc ça, attends, j'avais vu des questions blablabla là-haut qui étaient hautes. Oui, alors là, effectivement, de Monsieur Birdou, qui nous parle de boycott, parce qu'on a un petit peu de sujet. Effectivement, le boycott ne marche pas en général. Et c'est vrai, on le voit sur pas mal de choses. Il parle de War Legacy en jeu vidéo. Vrai. C'est effectivement une toute petite frange, un, qui est au courant, et deux, qui va effectivement boycotter. Oui, tout à fait. Il y avait un exemple comme ça d'un. Vous le chercherez, j'ai pas l'image là, mais c'est sur Modern Warfare 2, le jeu vidéo. Hein. Où les mecs voulaient des serveurs dédiés, donc ils disaient on boycotte Modern Warfare 2 tant qu'on n'a pas les serveurs dédiés. Et tu avais un groupe Steam de gens qui boycottaient, et il y a un screen du groupe Steam où ils sont tous en train de jouer au jeu. En fait, en tout cas, Steam, tu vois ce que font les gens. Donc ils sont tous en train de jouer à Modern Warfare 2 alors qu'ils appelaient tous au boycott. Donc c'est un peu, ou sinon c'est l'effet Coupe du Monde au Qatar. Hein. Tout le monde boycotte au début, dès que ça commence à gagner, il n'y avait plus personne. Ouais, donc voilà, donc, pour ça, je suis pas sûr que le boycott soit un truc viable. Là-dessus, au-delà du fait qu'en plus, c'est toujours un peu compliqué pour le boycott parce que, genre, un truc con, tu prends l'éditeur qui a utilisé une trad par machin, tu vas impacter l'auteur, l'illustrateur, l'équipe de dev qui a bossé derrière. Donc, tu vois, pour boycotter un gars, tu mets toute la chaîne un peu dedans. Est-ce que c'est juste ou pas ? Ça, c'est propre à chacun. C'est illégal en plus en France. Il y a peut-être un juriste qui saurait ça mieux que moi, mais il me semble que c'est interdit d'appeler au boycott. Enfin, tu peux te faire attaquer. Oui, mais genre, tu peux effectivement dire que toi tu le fais et. Oui, voilà. C'est ça. Oui, tu n'as pas le droit de faire un appel. Voilà. Peut-être pas un post Facebook sur une page publique, mais tu as le droit d'en parler. Donc voilà. Donc, ouais, clairement, le boycott, je ne suis pas sûr que ce soit une solution non plus à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop dans quel sens ça va aller. Effectivement, full, c'est pas entièrement faux. Actuellement, vu le rythme de sortie, est-ce que ça vaut le coup de boycotter alors que le jeu va mourir tout seul assez vite? Ça dépend du jeu. Hein. Ça dépend du jeu. Ma question, moi, c'est aussi, quelque part, je suis un peu curieux d'attendre de voir qu'un jeu où l'IA a été très présent cartonne. Pour voir un peu le jeu global. Je sais pas. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Dès qu'il y a un peu d'IA, c'est quand même assez anecdotique en termes de succès. Tu vois, donc on n'a pas encore eu le besoin de se dire « Putain, ça a vraiment volé le taf des gens. » Alors qu'en vrai, déjà si. Mais après, pour ce qui est de la traduction, c'est quand même assez... Alors, c'est très ingrat, hein, parce que c'est pas une bonne traduction qui va faire le succès d'un jeu. Oui, mais une mauvaise trad peut le plomber. Voilà, c'est comme ça que j'allais, effectivement. C'est-à-dire qu'on attend de toi, quand tu es traducteur, que tu fasses un boulot nickel. Et si tu fais bien ton boulot... Moi, je m'amuse des fois à regarder les critiques de jeux sur des sites à gauche, à droite. Ça ne parle jamais de traduction. Enfin, c'est très rare que quelqu'un mette ne serait-ce qu'une ligne sur « En plus, ça a été bien traduit » ou « La traduction est nickel ». Ça arrive, hein, y en a qui le font, merci à eux. Mais très souvent, en fait, on n'en parle pas. On s'attarde sur les qualités du jeu, sur le travail de l'auteur. Et c'est très bien, hein, parce que voilà, oui, c'est, en fait, tu attends la traduction, c'est un travail de l'ombre. On n'est pas là pour récolter les lauriers. Après, quand ça arrive, ça fait quand même très plaisir. Moi, comme j'ai un très bon souvenir que Charles Amir de Super Meeple m'ait demandé de monter sur scène avec lui pour la Familia. Ça, c'était... année, et pour Arc Nova, j'étais pas monté sur scène, mais il m'avait quand même publiquement remercié, ce qui était très très classe de sa part, parce que on reste quand même souvent dans l'ombre et on va souvent nous tomber dessus si on fait une erreur, ce qui peut arriver, hein, tout le monde fait des erreurs, mais on attend de toi que t'en fasses pas. Ce qui s'entend sur le papier. Oui. Alors, ouais. Et je vois dans le chat là, Full qui parle du JDR, où effectivement, comme il y a beaucoup de narratifs. Alors, je ne sais pas si c'est plus mis en avant parce que c'est un gros effort, parce que ça va faire partie de l'immersion. Hein. Si le JDR est mal traduit, forcément, ça fout le bordel. Et par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que paradoxalement, c'est aussi probablement le plus mal payé. Moi, j'en ai fait un, hein, du JDR au début. C'est extrêmement mal payé par rapport à ce que devrait appeler une traduction aussi conséquente. Après, on va te dire, oui, mais tu as du volume. Il y a beaucoup de texte, tu as énormément de volume. Sauf que en fait, c'est pas l'effort de traduction, il diminue pas en fonction du volume. C'est le même effort. C'est pas dégressif. Hein. J'avais une autre question effectivement que j'ai oubliée parce que je lisais le chat. Ça m'apprendra. C'est bon, ça m'est revenu. Toi, de ton côté maintenant, est-ce que, parce que je sais qu'on a déjà eu peut-être un petit peu cette discussion, est-ce que le fait de mettre ton nom maintenant sur une trad ou quand les gens savent que c'est toi qui fait la trad, vu qu'on sait que c'est quand même très clean en général, ça peut influer en termes de vente sur la VF, ou est-ce que les gens vont peut-être plus facilement attendre la VF et pas prendre la VO parce qu'ils savent que c'est toi et ce sera carré? Alors, je l'ai lu, c'est-à-dire que j'ai déjà eu des retours dans ce sens où on m'a dit quand on sait que c'est traduit par Transludis, ça sera bien, parce que c'est très gratifiant. Après, je ne sais pas si c'est vraiment déterminant. Est-ce que c'est 100 personnes ou est-ce que c'est 1000 personnes? Je ne sais pas. Une fois, je pense que ça reste anecdotique. Je ne crois pas que les gens se disent « je vais attendre parce que c'est Transludis ». Je me dis, si jamais c'est 100 personnes sur un jeu expert, c'est quasiment 10% du print. Ouais, c'est vrai. Tout est relatif, tu vois. Moi, je sais pas. Enfin, un truc, moi, je le vois avec notamment les transporteurs sur les KS. Si jamais c'est genre DHL, je prends pas le KS, par exemple. Parce que tu le sais. C'est un logo. Moi, je travaille sur... Alors, Super Meeple, tu peux être quasiment sûr que ce sera moi. Mais pas toujours, déjà. Et les autres jeux, ça dépend, quoi. Moi, je travaille pour beaucoup d'éditeurs différents. Je travaille avec Don't Panic Games, avec Gigamic, avec... Enfin, voilà, c'est variable, quoi. Et c'est pas écrit sur la boîte. T'as déjà acheté le jeu, en général. Si tu regardes la fin... D'ailleurs, question bête, avec la multiplication des projets, tu bosses toujours tout seul ou tu commences à avoir un peu une équipe avec toi Non, moi, je travaille... en fait, je travaille seul, mais on est un petit groupe de traducteurs à se refiler des projets si vraiment on est dans le jus. Donc, ça, entre personnes qui se font confiance, quoi. Oui. Où tu sais que la qualité sera au rendez-vous, machin, tout ça. Alors, petite question de Miro qu'il fallait évidemment qu'on aborde à un moment donné, c'est la question des tarifs de trad. Ouais. Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est négocié selon la complexité du jeu, le nombre de... Est-ce que si le jeu est primé, tu as un bonus? Est-ce que ta répute fait que maintenant, tu peux facturer plus cher? Voilà. Alors, c'est, normalement, sinon, ce n'est pas tellement négocié. C'est-à-dire que, en fait, c'est directement lié au volume de texte. C'est-à-dire que moi, j'ai un soft qui va calculer le nombre de mots, et y compris les répétitions. C'est un soft de TAO, on pourra en parler d'ailleurs. Ce n'est pas de l'IA, hein, c'est un peu de l'IA, mais c'est plutôt de l'aide à la traduction. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas le travail pour toi, mais elle répète. Par exemple, si tu as rentré une traduction qui te dit... je sais pas, piocher trois cartes, et ben dans le reste de la règle, s'il voit qu'il y a repioché trois cartes qui se répètent, il va le reporter. Bon, par exemple. Fin de la parenthèse. Donc, ça va être le volume qui va déterminer le tarif. C'est-à-dire que plus il y a de volume, plus c'est cher. Normal. Et après, effectivement, moi, mes tarifs ont légèrement augmenté, mais c'est aussi parce qu'on a eu pas mal d'inflation et tout, donc depuis le début. Et c'est ça qui fait le tri des projets aussi, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne peux plus accepter des projets qui sont payés en dessous de mon tarif, parce que le risque, c'est de me bloquer. Genre, si je pars sur 3 semaines sur une traduction qui n'est pas très bien payée, et que juste après, il y a un autre gars qui me dit « Ah ben, on a besoin de toi pour telle traduction. » Si je suis engagé sur la première, je ne peux plus prendre la deuxième, qui aurait peut-être été mieux payée. Okay. Donc, c'est pour ça que moi, je fais des tarifs de base. Enfin, je fixe mes tarifs, et l'éditeur, il prend, il ne prend pas. Éventuellement, alors avec Super Meeple comme ça, client historique, je fais un tarif préférentiel. Enfin, je lui fais à lui. Oui, c'est après, c'est du commerce, c'est la négo. C'est, et voilà, c'est ça. Et il a la priorité sur. En général, il a priorité sur les autres, sur les projets qu'il me demande. C'est de bonne guerre. Sauf si je suis engagé. Quand je suis engagé, c'est comme ça. Et les autres, non, c'est, enfin, voilà, c'est des tarifs classiques. Bah, tiens, pour donner un petit exemple, genre un jeu familial, c'est combien de mots une règle pour situer ? Bah, ça va être entre 1000 et 2000 mots, et donc grossièrement 100 à 200 euros. Quoi. Ah oui, donc en plus, en vrai, sur du familial, brut. C'est... Ok, voilà. Ouais, ouais, une règle, ouais, c'est ça à peu près. Hein. Encore une fois, hein, pour se donner un ordre d'idée, oui, c'était pour... ça va, c'est 22 000 mots, Voidfall, c'est 60 000 mots. C'est donc bon. Là, c'est des plus gros, ça demande aussi plus de temps. Hein, donc, Oui. Ok, donc comme ça, maintenant, vous avez un petit peu une vue un peu globale sur le tarif que ça peut coûter. Donc, si vous faites des jeux familiaux, traduisez vos règles par des gens dont c'est le travail, s'il vous plaît. Voilà. et en vrai, c'est rigolo parce que hier soir, on reçoit un MP de Mathieu Bonin. Ah oui ? Qui m'écrit, alors qu'on n'est pas du tout en relation, qui me fait « Ah, et tout, je traduis ton jeu pour Schmitt, j'ai une question de règles. » Et ma première réaction, c'était de me dire « Putain, mais pourquoi Schmitt passe par un traducteur alors qu'on est là, la règle, on leur a envoyé en français ?» Et vraiment, au bout de quelques secondes, je fais « En fait, Yoel, ferme ta gueule. » C'est son travail. Et je suis même content, au final, en vrai, que l'éditeur passe par un pro pour le faire et ne demande pas à l'auteur de le faire. Oui, bah ça, c'est très important pour un traducteur d'avoir le lien avec l'éditeur original, au moins l'éditeur, oui. Et le mieux, c'est l'auteur. Mais vraiment, ma première réflexion, c'est de me dire genre « Putain, pourquoi est-ce qu'ils font ça, tu vois ?» Et après coup, tu te dis « En fait, tu es stupide, tu arrêtes de réfléchir comme ça. » Et au contraire, je trouve ça cool que l'éditeur mette les moyens de se dire « Vas-y, ben voilà. » Il y a 4 pages de règles, on prend un traducteur pro pour le faire et on ne fait pas travailler l'auteur de manière un peu sous-marine. Oui, oui. Oui, bien sûr. Et donc ça fait plaisir. Donc on aime bien Jean-Chez Schmitt d'ailleurs, ils sont très gentils. Tiens, il y a une question de Dice qui reposte dans le chat, donc je vais quand même la prendre. C'est sur l'impression 3D. Est-ce que c'est l'IA ? La réponse est pour moi non. Personnel. C'est pas du tout dans mon champ de compétences. Pour ouais, ouais, coup, mais je vais quand même la faire. Je pense que non aussi. Parce qu'effectivement, tu peux bypass un petit peu les jeux de figurines, machin et tout. Oui. Oui. Et après, j'ai l'impression que 3/4 des gens qui achètent des imprimantes 3D sont soit pour faire des bijoux, soit pour faire du jeu de plateau. C'est un business très, très niche. On ne va pas se mentir. Est-ce que tu voles autre chose ? Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, déjà, en termes de qualité, il y a quand même un monde d'écart entre une figue Game Workshop ultra propre et ton impression 3D avec ta machine. Après, pour tout ce qui est insert et tout ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais voilà. Donc, est-ce que vraiment tu... C'est compliqué. Et je pense qu'il faudrait limite un mec dont c'est le travail là-dessus qui pourra peut-être d'ailleurs un jour en parler avec Jean-Charles de Incredible qui, pour le coup, a un business d'impression 3D pour les inserts. Il pourra peut-être mieux t'en répondre que moi parce que, pour le coup, moi, dès que tu me fais un insert en 3D, je suis quand même très content. On va pas se mentir. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos que ça à te donner là-dessus. Et on a Bisounou qui te dit que Voidfall est très bien traduit. Donc merci à lui. Voilà, donc Voidfall très bien traduit. Merci, c'est cool. C'était beaucoup de travail, mais je suis content. Tu m'étonnes. C'est combien de temps Voidfall en termes de traitement ? Il faudrait que je regarde. Attends, je vais faire un rapide calcul parce que. pour un seul traducteur. En fait, je ne sais même plus combien de temps on y a passé, mais en gros, si on est à 60 000 mots et on va dire 2500, c'est, tu mets bout à bout, c'est 24 jours ouvrés, quoi. Donc, et après, si tu rajoutes le travail de recherche, de relecture et tout, tu peux facile faire fois 1,5. Quoi, donc, okay, donc un mois et demi, ouais, deux mois. Ouais, voilà. Bon, ok. Eh ben, ça, c'est plutôt cool. On a vu un petit peu comment la trad fonctionne. Quel conseil tu filerais si jamais quelqu'un veut se lancer dans la trad? Oui, je sais, je te fous des concurrents dans les pattes. Désolé. Non, mais mon conseil, en fait, on m'a déjà demandé. Hein, donc, en fait, le conseil que je donne souvent, c'est ne pas se brader, justement. C'est-à-dire que, justement, pour la bonne santé du secteur, parce qu'on est tenté, quand on commence la traduction, de bosser pas cher. Pour d'autres activités freelance. Pour tous les milieux, j'ai l'impression, ça. Voilà, de se dire, je vais me mettre, comme je n'ai pas beaucoup d'expérience, je fais un prix en dessous du marché. Mais ce qu'il y a de faire ça, c'est un gros problème. C'est pour le secteur, c'est pas bon pour le secteur parce qu'en fait, tu vas prendre du travail à d'autres en faisant de la concurrence déloyale, en fait, parce que ton prix, il est trop bas. Et en fait, tu vas te rendre compte au bout d'un moment que même pour toi, ce n'est pas viable. C'est-à-dire que les tarifs qui sont en ce moment, ils existent pour une raison. C'est-à-dire qu'on a à peu près tous la même cadence de travail et les tarifs qui sont fixés, ils sont fixés pour qu'on puisse en vivre. Si tu arrives en dessous en disant, moi, je révolutionne le marché, je vais faire 3 centimes de moins par mot et comme ça, je vais piquer le marché, peut-être oui, mais au bout d'un moment, tu ne pourras plus vivre parce que tu auras besoin de passer. Soit tu passeras trop de temps à ton boulot, soit tu décideras d'être plus efficace et de passer moins de temps que tu devrais. Donc le seul conseil que je donnerais pour se lancer là-dedans, c'est vraiment ne pas se brader, avoir conscience que la traduction c'est du travail, c'est une valeur et que du coup il faut respecter cette valeur. Alors je vais juste faire un petit bémol à ça si je peux me permettre, c'est que très souvent je comprends que sur la première presta t'oses pas trop côté tarif, ouais. Et par contre moi ce que je fais toujours quand c'est comme ça et que c'est un nouveau client ou que c'est machin, tu donnes ton prix et dessus tu fais une remise. Oui, bien sûr, voilà. Enfin, ça tu peux négocier. Pour que les gens aient vraiment visuellement le vrai prix. Oui, tout à fait. Tu peux tout à fait faire des offres de bienvenue. Voilà. Mais ça se négocie, c'est la petite cuisine interne. Mais clairement, il faut afficher le vrai prix parce que sinon les gens après abusent complètement. Et surtout après, ils vont prendre ce prix-là en référence. Oui, et qui est faux. Et pas hésiter à dire à des éditeurs, mon prix c'est ça parce que j'ai besoin de tant de temps pour le travailler et je ne peux pas baisser éternellement. Et ne serait-ce que pour vous, c'est-à-dire que je vais vous fournir un produit qui ne sera pas... En fait, moi, ma philosophie, c'est simple. Hein, c'est si je n'ai pas le temps de faire la traduction comme moi, j'ai envie de la faire, c'est-à-dire soigner, recherche et tout, je ne la fais pas du tout. Je ne prends pas le risque de payer, d'être payé deux fois moins cher pour travailler deux fois plus vite et deux fois moins bien. Donc, si tu ne prends pas mon tarif, on ne peut pas s'entendre, en fait. C'est-à-dire que, voilà. Donc, ça paraît... Alors, c'est l'expérience qui me permet de faire ça aussi. Hein. J'aurais peut-être pas pu le faire dès le début. Mais maintenant, j'ai suffisamment d'images de marque, on va dire, pour me permettre de faire ça et que les gens aient confiance. Et aussi le fait de dire, si tu annonces un devis, que le gars, il proteste et que tu annonces un devis deux fois moins cher derrière, il a en droit de se demander pourquoi tu lui as demandé un devis deux fois plus élevé la première fois. Tu as essayé de l'arnaquer ou comment ça se passe? Voilà, faut donner ton prix et rien que ton prix, quoi. Je sais que là, nous, c'est à partir de octobre, donc bientôt, il va commencer à y avoir des pubs sur First Player sur les on rejoue ou pas. Ouais. Mais des pubs, c'est pas du placement de produit, c'est vraiment du spot pub qui est fourni, tu vois. Et je sais que pour le coup, moi, c'est ma façon éventuellement d'aider les nouveaux entrants, machin, c'est de dire si t'es un petit éditeur et que t'as pas le budget pour le standard, on peut discuter. Ouais, alors c'est marrant d'ailleurs, hein, parce que je suis d'accord. Ça, c'est, mais paradoxalement, je trouve que c'est pas les petits éditeurs qui font chier. Non. C'est moi, ceux qui me jamais négocient le plus ou qui veulent pas c'est payer ou qui payent en retard, c'est les plus gros. Hein. Bah oui, bah ça c'est. D'ailleurs, ma question, c'est est-ce qu'ils sont pas plus gros parce qu'ils font ça tout le temps, tu vois, à force. Peut-être, je sais pas. Mais voilà. Donc on arrive gentiment, on a fait un petit peu le tour du sujet, on arrive au bout de l'heure qu'on s'était accordé. J'espère que vous avez une vision plus globale un peu de la traduction, du côté pro et des coulisses de ce niveau-là. J'espère que tu as passé toi un bon live, Antoine, avec nous. Ouais, nickel. Voilà, on a parlé un petit peu de Runmaster, pas autant qu'on a voulu, mais la trad a pris le dessus. Oui, je m'en doutais un petit peu, mais ça reste mon cœur de métier. Être auteur et produire, avoir fait Runmaster, c'est un plaisir. Je ferai d'autres jeux et on pourra en reparler. Avec grand plaisir. Et où est-ce qu'on peut te voir éventuellement? Parce que pour le coup, où est-ce qu'on peut te voir, machin? C'est quoi tes prochains festivals, tes prochains trucs qu'on peut te croiser pour discuter, pour taper le carton, pour faire la bise? Alors là, prochainement, ça va être un peu tendu, parce qu'en fait, je vais être... attention, annonce. Je vais être papa à la fin de l'année. Donc, ça va me prendre pas mal de temps. Et là, je ne fais pas de salon pour l'instant. Enfin, d'habitude, j'en fais. Hein. Je suis souvent à Essen, etc. Donc là, le prochain salon, ça risque d'être pas avant Cannes. Je vais quand même essayer de venir à Cannes. Et j'aimerais beaucoup aussi aller à Ludinor, qu'on m'a conseillé. C'est très cool. Si tu veux d'ailleurs dormir à la maison, c'est possible. Ah, mais c'est gentil. On a une chambre d'amis qui est là, donc n'hésite pas. Pour le dîner. Donc, là, je ne serai pas à Essen, pas cette année. Okay. Et puis, ça sera plutôt Cannes. Et sinon, pour me voir, moi, j'habite à Bègle, à côté de Bordeaux. Donc, si vous êtes dans le coin, je fais régulièrement. On a un petit groupe de joueurs. On se fait des soirées jeux régulièrement. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à venir dire bonjour. Ok. Et ben voilà, je pense que du coup, là, on n'est pas trop mal. Si jamais, hop, je vous mets le lien de Rune Master pour ceux qui veulent l'acheter. Directement chez Ludum, hein, faut pas déconner. on vous fait à tous de très gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et puis à très bientôt. Ah, il y a un supporter de l'UBB dans le. Ouais, des joueurs dans de rugby, les... c'est sauvage là. Bon, allez, on vous embrasse tous très fort et puis à très vite. Allez, ciao. Salut, ciao.